cacher dans l'été, dans l'automne et l'hiver. Je ne suis pas peu fier de retourner sur terre. Attire-t-elle, se fait la belle. Amoureux d'elle.